Ah, le voilà donc, ce fameux cochon, dont le nom seul est une magnifique trouvaille du destin. Le voilà, l'évêque Alamdan, le bâtard de Judas, le porc de l'histoire. Il était famélique, ingrat, âpre, d'un orgueil de chèvre, d'une ambition de lichen. Aucun grand courant de force ou de canaillerie dans cette âme, aigrie, maigre, dans cet esprit petit et dur, dans ce théologien court, littéral. Il mena une vie de pauvre bourg, une vie à la Julien Sorel, avec des périodes bleues, de brusques douches, des coups bas, impérissables. C'est une succession d'orgueil et de dégringolades. Maître de l'université de Paris, puis chassé de Paris, évêque de Beauvais, puis chassé de Beauvais. Le congédiement est son lot. Il y a du valet dans ce cochon.